La formation civile et sociale sud-coréenne « Les gens pour la paix et la réunification » a tenu le 13 courant une conférence de presse devant le siège du ministère de la Défense pour condamner la décision américano-sud-coréenne sur la disposition du SAD. La conférence de presse terminée, elle a livré à la rue de Gwanghwamun les activités de propagande dévoilant l'injustice de la décision de la disposition du SAD et organisé aussi le rassemblement à la bougie exigeant l'abolition de cette décision. En outre, selon le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, les habitants de l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord ont commencé le 13 la lutte de protestation contre la décision sur la disposition du SAD.